La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, anagramme et mélomanie. Il arrive souvent qu'on me demande ce qui différencie la physique quantique, qui est celle des particules et des atomes, de la physique classique, qui est celle des objets, disons, plus ordinaires. Je réponds en général que la réponse à cette question a été donnée par le physicien anglais Paul Dirac. Dans un article célèbre publié en 1925, il expliquait que ce qui démarque fondamentalement la physique quantique de la physique classique, c'est la non-commutativité des observables. Je sais, voilà un vocabulaire qui mérite une petite explication que je vais vous donner. Prenez une particule classique, par exemple une boule de billard, dotée d'une vitesse et d'une position bien déterminées. Vous pouvez d'abord mesurer sa position, puis sa vitesse. En effectuant ces deux mesures, vous ne faites en somme qu'enregistrer des grandeurs qui existent objectivement, c'est-à-dire qui sont ce qu'elles sont, qui ont les valeurs qu'elles ont, indifférentes au fait qu'elles soient mesurées ou non. Vous pourriez donc tout aussi bien faire les mesures dans l'ordre inverse, c'est-à-dire mesurer d'abord la vitesse, puis la position. Cela ne changerait rien à l'affaire. Prenez maintenant une particule quantique, par exemple un électron. Là, les choses changent radicalement, car une particule quantique n'est pas un corpuscule. Elle n'a pas une vitesse et une position bien déterminées. Cela n'empêche pas qu'on puisse mesurer une vitesse ou une position la concernant, mais dans ce cas, c'est le fait de faire une mesure qui actualise le résultat de la mesure. Et alors, l'ordre des opérations n'est plus indifférent. Mesurer d'abord la vitesse, action A, puis la position, action B, ce n'est pas faire la même chose que mesurer d'abord la position, action B, puis la vitesse, action A. En clair, AB n'est pas égal à BA. C'est cela qu'on appelle la non-commutativité des opérations de mesure. Elle se manifeste en physique quantique et pas du tout en physique classique. Ce que Paul Dirac a démontré, c'est que c'est elle qui fait toute la différence entre ces deux théories. En physique classique, ça commute. En physique quantique, ça ne commute pas. Est-ce que cela ne vous évoque rien? Si, bien sûr, les anagrammes. Les anagrammes, comme vous le savez, surgissent lorsqu'on mélange les lettres d'un mot ou d'une expression en vue de former un nouveau mot, une nouvelle expression. C'est ainsi que Marie contient les mêmes lettres que le verbe aimer et que la conversation scientifique a pour anagramme ce qu'on sait à côté vers l'infini, ce qui correspond peu ou prou, je l'espère, à l'esprit de notre émission. Voilà, vous en savez désormais assez pour comprendre la collusion secrète qui relie la physique quantique et les anagrammes. Les anagrammes doivent elles aussi leur existence charmante à la non-commutativité, en l'occurrence à celle de la position des lettres à l'intérieur des mots. Changer l'ordre de succession des lettres d'un mot, c'est changer le mot. En d'autres termes, si écrire AB était la même chose qu'écrire BA, si l'ordre des lettres ne comptait pas, il n'y aurait pas d'anagramme. Ce qui amène à une conclusion foudroyante. La physique quantique et les anagrammes ont ceci de commun, qu'elles doivent leur existence à la non-commutativité. Vous avouerez que cela leur donne une certaine dignité épistémologique que je vous propose d'honorer dans notre conversation d'aujourd'hui. Nous allons parler d'anagrammes, mais pas de n'importe lesquels. Nous allons nous concentrer sur celles qui concernent la musique, les musiciens, les œuvres musicales, en compagnie de mes deux invités. D'abord Jacques Perisalkov, bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste, poète, trouveur et trouveur surdoué d'anagrammes vertigineuses qui laisseraient pantois n'importe quel logiciel prétendant lui faire concurrence. Et mon second invité est Carole Beffa, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes compositeur, pianiste, maître de conférences en musicologie à l'École Normale Supérieure, lauréat de nombreux prix, auteur de plusieurs ouvrages, et vous publiez avec Jacques Perisalkov un livre intitulé « Anagramme à quatre mains », avec comme sous-titre « Une histoire vagabonde des musiciens et de leurs œuvres », livre qui paraît aux éditions Actes Sud. Alors comment est-ce que ça se passe, Jacques Perisalkov? Comment est-ce que, question qu'on doit vous poser souvent, comment est-ce que vous faites pour trouver des anagrammes, dont certaines sont très très longues? Et puis, collaborant avec Carole Beffa, est-ce qu'il y a des anagrammes que vous avez trouvées, que vous n'avez pas publiées, au motif qu'elles seraient consternantes, par exemple? Oui, on est obligé de faire un choix, hein, mais Bah moi, en tant que musicien, c'était vraiment un plaisir de m'associer avec Carole parce que là, pour je suis dans un domaine que je connais bien, la musique, donc c'est quand même plus pratique pour employer les mots. Et ben, sinon, je sais pas quelle était la question. Quel est votre secret, quoi? Non, par exemple, trouver que le chaos a pour un arabe la chose. C'est presque à la portée de tout le monde. Oui. Par contre, découvrir que la spirale de la surenchère a pour anagramme l'arsenal de la supercherie, ça demande des compétences qui ne sont pas universelles. Et ben, bizarrement, en fait, la bonne attitude, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Moi, je pense qu'il faut. Je regarde l'énoncé de départ et je laisse surgir. J'attends que d'autres mots me sautent aux yeux et puis on avance ainsi pas à pas. On prend le mot, on voit ce qui reste et je pense qu'on veut faire une recherche systématique de toutes les combinaisons. C'est quelque chose de vain. On peut rappeler le principe de votre livre. Il s'agit de prendre un nom de musicien, par exemple, ou bien une phrase, de trouver l'anagramme et entre les deux, d'écrire un texte qui explique comment on peut trouver un sens qui fait passer du nom de départ à l'anagramme d'arrivée, si on peut dire. Par exemple, Alice Cooper pour anagramme Oracle Copier. Ouais. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer d'Alice Cooper à Oracle Copier? Mais il se trouve que j'ai assisté à un concert il y a pas très longtemps, en 2017, en Belgique, d'Alice Cooper, et il avait pour invité, pour guest star, Marilyn Manson, et qui, à la fin du concert, s'est agenouillé devant le maître en signe de respect, car Alice Cooper a fait école, on peut dire, a inspiré énormément de monde, dont Marilyn Manson. Donc voilà comment on aboutit à Oracle Copier. Il lui baise la main aussi, Marilyn Manson, après sa génuflexion. Parce que je pense que Jacques a dit quelque chose de très juste. Hein. Il dit, le mieux finalement, c'est de ne pas trop y penser et de laisser le hasard œuvrer. C'est évidemment très souvent le cas en créativité, en création en général, c'est-à-dire que on a même forgé un terme pour ça, sérendipité. L'idée étant que une concentration extrême a certes l'avantage de vous abstraire du monde extérieur et de vous concentrer effectivement sur une seule chose. Elle peut avoir l'inconvénient, principe de la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire que vous êtes trop sur une chose, vous manquez de distance, d'une certaine façon, l'observateur que vous êtes n'a pas cette médiation, cet écran, cet instrument qui vous permettrait d'accéder à autre chose. Donc il y a un peu des deux. C'est vrai que Jacques, de temps en temps, est spectaculaire quand, si je lui suggère un énoncé, alors c'est l'un des énoncés les plus célèbres que plein de gens ont mis sur leur page Facebook, en le tronquant d'ailleurs, puisque c'est cette phrase assez célèbre de Nietzsche qui dit « Sans musique, la vie serait une erreur ». En fait, c'est pas tout à fait ça. « Sans musique, la vie serait une erreur, une fatigue, un exil ». Bon, Jacques est tellement fort que ce n'est pas une anagramme qu'il a trouvé, c'est 6 anagrammes et nous n'avions que l'embarras du choix. Alors, dans ce cas-là, évidemment, il s'est concentré. Il avait son espèce de pierre qu'il a transformé finalement en diamant à la faveur d'un retravail et avec le perfectionnisme qui le caractérise, il a cherché une élaboration, une sophistication toujours plus grande. À d'autres moments, c'est pas du tout ça. Il part dans une direction, un ou deux jours se produisent et j'ai l'impression, je parle pour lui, que il va avoir à la faveur de l'attente, du sommeil, on va dire, de son imagination pendant quelques temps, trouver quelque chose qui n'aura rien à voir. Et ça sera très bien aussi. Oui, ben, justement, l'anagramme de la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Une des anagrammes découvertes, c'est « temps gris, il est en mer une lueur fantôme, un vaisseau qui luit exténué ». Et en fait, ça fait beaucoup de lettres, mais j'ai vu qu'il y avait vaisseau et fantôme. Donc, quand on sait que c'est une phrase de Nietzsche, on ne peut pas résister à ça. Et en fait, oui, les mots vaisseau et fantôme ont littéralement surgi Et on pourrait prendre bien des exemples. Je pense à la fameuse anagramme de onde gravitationnelle, où j'ai vu le mot orage. Et de là à trouver le vent d'orage lointain. Il n'y a qu'un pas. Oui, voilà, enfin, c'est ça. Le mieux, c'est de faire confiance à son intuition, inspiration. Vous avez parlé d'insomnie. Ouais. Est-ce que c'est une affaire d'insomnie? Je sais, Jacques, que vous avez écrit quelque part, usé à force d'avoir servi à tout et à tous, les mots attirent pourtant les insomnieux comme moi, les forcent à s'approcher, tels des myopes, de la matrice orthographique, à jouer avec les lettres, à les réordonnancer pour en activer le secret. C'est ça, le secret des anagrammes? De passer l'insomnie. Oui, en fait, c'est la conséquence. Parce que, lorsqu'on travaille à plein temps sur les anagrammes, il y a une persistance de la recherche qui vous empêche de dormir, quoi. Ça m'arrivait de trouver des embryons de solutions dans mon sommeil, quoi. Pendant mon sommeil, en rêve, quoi. Mais Carole Boeffa, j'ai un peu de mal à vous croire quand vous dites on les trouve en ne les cherchant pas. Parce que si je prends par exemple, si je cherche l'anagramme de Carole Boeffa, K-A-R-O-L-B-E-2-F-A, même si j'y pense pas, je trouve pas. Je sais. Ah, mais des fois, certains mots restent silencieux. Hein, Carole Boeffa, rien. Quand on s'est contacté, c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on s'est vu pour la première fois, envoie de messages Facebook, et très gentiment, Jacques s'essaye à une anagramme compliquée, anagramme rébus, qui utilisait le fa, qui est à la fois une note de musique quasiment une syllabe de mon nom. Finalement, il a trouvé celle que... Parce que vous avez plusieurs prénoms. Exactement. Votre vrai nom complet, c'est Carole Damien Sébastien Boeffa. Et Jacques a trouvé que c'était l'anagramme de âme si fan de Béla Bartók. Là, effectivement, là, total respect. Bravo, Jacques. Vous êtes vraiment fan de Béla Bartók? Oui, au point que, en tout cas, ça ne me choque absolument pas de le voir figurer, oui. Ayant travaillé sur Ligeti, sur la musique hongroise en général, oui, Bartók fait partie de mes dieux, oui, mes figures titulaires. Alors, je disais que dans votre livre, il y a un principe qui est un texte sépare la phrase de départ de la phrase d'arrivée, mais il y a des exceptions, par exemple, La Scala de Milan a pour anagramme Demain la calasse. Pas besoin de faire de texte. Non. Il suffit d'écrire sur une affiche. Exactement. Oui, voilà. C'est vrai que notre illustrateur Jean-François Martin a eu cette très bonne idée de composer une affiche. Et c'est vrai que ça ferait un excellent slogan pour annoncer un concert. Demain la calasse. Alors, vous venez de prononcer le verbe composer. Oui. Vous composez vous-même de la musique, Jacques, Carole Boeffa. Vous êtes un compositeur à plein temps, si j'ose dire. Est-ce que ça a un rapport, la musique et les anagrammes? Est-ce que la composition des lettres, la composition des notes en musique sont des choses qui sont rapprochables? On s'est un peu posé la question, Jacques et moi. Et Jacques a trouvé déjà un certain nombre de terrains d'entente, de mots communs. Qui interviennent un peu dans les deux domaines, par exemple, outre la composition, l'idée de contre-champ ou de contrepoint, plutôt de contre-champ, c'est-à-dire que l'anagramme, comme Jacques le fait remarquer, c'est comme une espèce de thème qu'on suggérerait, et puis on aurait à partir de ce thème comme un contre-champ. C'est aussi d'ailleurs le principe du thème et des variations. Quand Jacques trouve 5-6 anagrammes à partir d'un même énoncé, c'est vraiment le principe des variations à partir d'un seul thème. Et puis il avait une autre idée que je trouve assez jolie aussi. Le renversement de lettres, oui, ce qui est une anagramme, ça vient du grec anagramma, renversement de lettres, et il existe des renversements en musique. On renverse des accords. Ouais. Ces accords renversés. Alors, les accords renversés, le principe, c'est qu'au lieu d'avoir, par exemple, do, mi, sol, en partant du grave en allant vers l'aigu, vous allez avoir mi, sol, do. C'est un renversement assez simple, qu'on appelle le premier renversement, puis sol, do, mi, deuxième renversement. Et pour un accord de N notes, vous pouvez avoir, si je ne m'abuse, N-1 renversement. Donc oui, il y a probablement quelque chose entre les deux. Bon, les compositeurs se sont aussi énormément intéressés à cette magie des lettres, selon l'analogie anglo-saxonne ou allemande entre notes de musique et lettres de l'alphabet. Évidemment, ce qui est le plus connu, c'est Bach, B-A-C-H. ce qui fait, en, selon la, l'analogie, si bémol, la, do, si bécard, qui était une des signatures de Bach dans beaucoup de ses compositions. Dimitri Shostakovich, lui, s'amusait à partir du DSCH, puisque en allemand, SES, c'est mi bémol, donc ça fait ré mi bémol, do, si, bécard, qui a l'avantage d'être en plus très, très prenant comme thème. Schoenberg, Webern, Berg, amateurs à leur façon de combinatoire musical via le sérialisme, le dodécaphonisme, qui consiste là effectivement aussi à faire en sorte, normalement, principe de la série, vous ne faites entendre une note que si les 11 autres ont été entendus précédemment. Donc ils étaient effectivement fascinés par cette poésie des nombres et se sont amusés effectivement à renverser les notes. Ils ont fait des palindromes aussi. Jacques est également un grand amateur de palindromes. Le Pierrot lunaire. Dans le Pierrot lunaire notamment, oui. dans quantité d'œuvres, vous faites en sorte que vous n'avez non pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, par exemple. Ce qui serait un palindrome assez simple, c'est d'avoir Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Mais vous avez parfois des mélodies qui sont moins triviales que celles-ci, et à partir desquelles vous pouvez effectivement avoir ce renversement de lettres, et qui peut-être soit une anagramme, soit un palindrome. Alors je propose, Carole Beffa, que nous écoutions un morceau que vous avez composé. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, c'est une étude pour piano, un extrait d'étude pour piano, la 11e étude pour piano qui a été enregistrée très récemment par Tristan Pfaff pour Ad Vitam Records. Écoutons-la. Thank you. Beffa, est-ce qu'il y a des raisons à ce choix? Est-ce que c'est en rapport avec notre sujet, anagramme et mélomanie, ou est-ce que Alors, c'est oui. déconnecté? Si, ça l'est, je viens seulement de m'en rendre compte. C'est-à-dire que c'était pas un fait exprès, mais cette étude s'appelait à l'origine voyelle, comme le poème de Rimbaud. Pourquoi? Parce que c'était en 2004 une commande d'un festival à Chartres qui n'existe plus, qui s'appelait Chartres en plein chant. Et j'étais censé mettre en musique ce poème de Rimbaud. Pourquoi? Parce que cette année-là, la thématique était à Rimbaud et d'autres poètes, mais à Rimbaud tout particulièrement. Malheureusement, faute de budget, le concert qui était d'abord prévu pour une chanteuse et un pianiste bien s'est retrouvé pour pianiste seul, mais il avait fallu, comme on me demande très souvent, très à l'avance, donner un titre pour les programmes et les programmateurs. Ce titre était voyelle, j'ai trouvé que ce titre était très parlant et que l'idée d'une analogie avec le poème de Rimbaud était belle, je l'ai donc gardé. Finalement, donc ça c'était 2004, plus de 10 ans plus tard, je décide de faire de cette pièce pour piano qui a toutes les caractéristiques d'une étude compositionnelle, c'est-à-dire d'une pièce qui se concentrerait sur une difficulté pour le pianiste ou bien sur, on va dire, un enjeu compositionnel et qui essaierait de l'envisager sous toutes ses formes comme un objet qu'on regarderait de, sous toutes ses facettes. Et donc c'est devenu une étude. Pourquoi ce lien encore une fois peut-être avec une certaine combinatoire des anagrammes, c'est que j'ai décidé d'utiliser un extrait d'une des valses nobles et sentimentales de Ravel qui va comme tourner en boucle. C'est comme si je mixais Ravel et Steve Reich et après le mixeur on trouve cette musique-là assez planante, assez hypnotique. Comme peuvent l'être les anagrammes quand on les lit, quand on a l'impression que Jacques Périssalkov a passé sa nuit à essayer de les trouver. Donc il y a quelque chose d'un peu insomniaque et onirique dans les messages qu'il vous laisse parfois sur votre répondeur ou par mail sur votre ordinateur. Par exemple, vous avez écrit, composé une autre œuvre qui s'appelle Le bateau ivre, référence à Rimbaud, dont l'anagramme est beauté virale. On va pas lire le texte qui sépare les deux, il est magnifique. Mais il y a des cas où, franchement, même si on accumule 150 insomnies de suite, on n'a aucune chance de trouver. Or vous, Jacques, vous trouvez des choses incroyables. Par exemple, il y a une anagramme de plusieurs lignes que je suis en train de retrouver. C'est le tour de Bach, j'imagine. Le tour de Bach. Ah, celle de Jean-Sébastien Bach. Là. Je vais la lire. Hein. Ouais. Donc la phrase de départ, c'est Jean-Sébastien Bach, compositeur à la cour de Sa Majesté le roi de Pologne et prince électeur de Saxe, maître de chapelle de Son Altesse le prince d'Anhalt-Köthen et cantor de l'église de Saint Thomas de Leipzig. Voilà, ça c'est la phrase de départ. Et la phrase d'arrivée, c'est « J'ai porté au soleil mon nez et ma pipe de tabac, aimé la joie de l'ange et le ruisseau badin, cherché le tempo exact de l'orchestre, chanté l'art de la sète et, de chorale en passion, les secondes de ce destin trop long. » Ouais. Bon, comment on fait pour trouver ça? Eh ben, on se met en fond un peu de la musique de Bach. C'est ce que j'ai fait. En fait, oui, j'ai pris un peu tout son pédigré pour comme énoncé. Et là, je me suis dit vraiment, je ne réfléchis pas à tous les mots qui me sautent aux yeux. Je les note, puis on verra après pour la syntaxe. Et c'était vraiment un moment de transe. Vraiment un moment de transe. Et effectivement, j'ai vu pipe. Effectivement, il fumait la pipe. Hein, la joie de l'ange, ruisseau badin. Bar veut dire ruisseau en allemand. Badin, Bach a écrit une badinerie. Il faut de la culture pour trouver ça. Oui, mais c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Et de chorale, passion. Bach a écrit des chorales et des passions. Et les secondes de son destin trop long. J'ai cru lire, Carole, tu confirmes ou pas, qu'il avait hâte sur la fin de retrouver son créateur. Ça, j'ignorais. Mais il a confié ça à sa femme. Très émouvant, oui, d'accord. Les secondes de ce destin trop long. Non, mais là, c'était vraiment une transe. Et puis, mais comme je dis souvent, c'est pas les énoncés les plus longs, les plus difficiles, parce que on rejoint l'écriture libre. Et juste à la fin, on a quelques, il nous reste quelques lettres à caser, quoi. Donc, ouais, je sais que j'ai passé beaucoup plus de temps sur des énoncés très courts. Hein, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que parfois les anagrammes produisent de la poésie au sens où elles accouchent d'une phrase poétique qu'on n'aurait pas écrite s'il n'y avait pas eu cette recherche? Bien sûr. Je donne un exemple. Le point sonore des Lilas, la chanson de Gainsbourg. Ça donne spleen, du rail inconsolé. Génial, oui, c'est ça. La contrainte nous permet d'explorer des terres vierges de l'écriture. C'est-à-dire, sans la contrainte, à moins d'un hasard extraordinaire, on n'aurait jamais pondu cette phrase. Et c'est tout l'intérêt, je crois, de la contrainte, c'est de... On n'est plus dans le consensuel, quoi. Mais est-ce que la contrainte joue aussi dans la composition? Si vous vous donnez des contraintes, est-ce que vous produisez des choses? D'abord, très souvent... À partir d'un certain niveau de notoriété, un compositeur va composer sur commande. Et la commande va comporter un certain nombre de contraintes, normalement minimales, mais qui sont la formation pour laquelle vous écrivez, puisqu'en général c'est en prévision d'un concert, donc on va vous demander d'écrire pour piano seul, ou pour orchestre, pour chœur et orchestre, d'écrire de la musique de chambre, tout cela est fixé. Vous avez souvent une contrainte de durée, approximative en tout cas, puisque là encore, comme l'œuvre crée doit s'inscrire dans un concert, eh bien, il faut respecter un timing général, donc faire en sorte que l'œuvre ne dépasse pas 5 minutes, ou 15 minutes, ou 45 minutes. Donc, il y a ça, et à côté de ça, il y a une autre chose qui est l'importance de la contrainte, je dirais, vraiment comme stimulant intellectuel, comme stimulant créatif. Et là, je pense que ça rejoint des choses que Jacques doit avoir. Nous sommes tous, peu ou prou, des enfants de l'Oulipo, de l'ouvreur de littérature potentielle, qui avaient bien trouvé effectivement que la contrainte était source d'expression, même selon leur formule qui est très belle, Jacques. La contrainte libère. Je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Il y a des contraintes formelles en musique. Il peut y avoir évidemment des contraintes. Alors, les contraintes de la poésie rythmée et rimée, on les connaît. Le sonnet, on connaît ses contraintes. En musique, il y en a évidemment. Le seul fait d'écrire de la musique tonale ou modale va faire que vous allez avoir un réservoir de notes dans lequel puiser qui va être plus restreint. Vous avez parfois, pour les compositeurs du passé, et qui écrivaient selon une logique de tonalité fonctionnel avec des fonctions tonales, le fait d'avoir des cadences, c'est-à-dire des façons de refermer le discours musical sur lui-même, cadence parfaite, cadence imparfaite, plagiale, tout ça, ça va être évidemment une source forte de contraintes, mais aussi ce qui peut libérer la fantaisie du créateur. Je suis vraiment convaincu que, alors il y a cette formule de Valérie, je me souviens plus exactement, mais quelque chose comme l'arnée des contraintes. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jacques Pereselkov, vous disiez tout à l'heure que les anagrammes, il faut les laisser reposer, et par une sorte d'aspiration, vous découvrez une anagramme qui va dans le sens de ce que porte déjà la phrase de départ. Mais il y a des cas où le résultat est contradictoire avec le point de départ. Par exemple, la danse macabre, œuvre de Camille Saint-Saëns, anagramme calme sarabande. Quel contraire. Une fois qu'on a entendu calme sarabande, on n'écoute plus la danse macabre de la même façon. Oui, tout à fait. Mais des fois, la contradiction fleurit dans cet exercice. La contradiction est souvent riche d'enseignements. Hein. D'ailleurs, ça a permis à Carole d'écrire un très beau texte qui rejoint donc la danse macabre à cette calme sarabande. Vous dites quelque part qu'il y a du Schubert dans Schumann. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, donc là, c'est une anagramme incomplète, mais si vous écrivez Schumann-Robert, vous voyez que ça commence par Chou et que ça finit par Bert. Et donc, c'était amusant de le noter. Et effectivement, historiquement... Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Schumann a contribué à faire redécouvrir Schubert. Lui-même, la lecture de partitions de Schubert a nourri considérablement son inspiration. Donc, oui, il y a du... Schubert dans Schumann. C'est vrai historiquement. C'est vrai historiquement et esthétiquement. Ouais. Et plus extraordinaire, c'est le nom de Alma Schindler, donc l'épouse de Gustav Mahler. Eh bien, dans Alma Schindler, il y a dans l'ordre les lettres de Mahler. Et ça, je trouve ça magnifique. Quoi. Ça me bouleverse. Et quand on sait l'importance, il a pris beaucoup de place dans la vie de Alma Schindler, Mahler, au point qu'on a oublié qu'elle était une grande compositrice. Hein. La lecture de votre livre apprend beaucoup de choses sur la musique, sur son histoire, sur les compositeurs. Puisque certaines anagrammes, en fait, sont codées. Si on ne connaît pas l'histoire, on n'en saisit pas toute la portée. D'où notre association, je pense que... Et d'autres choses aussi qui ont fait que... Enfin, je sais pas, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur Ligeti, de ma thèse, même de mon DEA jusqu'à mon habilitation dirigée des recherches, mais je ne m'étais jamais rendu compte, et il a fallu que Jacques me le montre du doigt, que Ligeti, c'était litige. Puisque, comme on le sait peut-être, pour 2001, l'Odyssée de l'espace... qu'on a pu redécouvrir encore assez récemment. Donc le film de Kubrick, qui utilise beaucoup de musique, dont un grand nombre de musiques de Ligeti. Ligeti a prétendu que c'était sans son autorisation et sans lui verser les droits qu'il méritait, que l'utilisation de la musique avait été faite. D'où une querelle qui, heureusement, n'est pas allée au-delà du simple litige. Mais il y a des choses assez magiques là-dedans. Ça m'a aussi permis de retrouver, s'agissant de Ligeti, Ligeti lui-même d'ailleurs était fasciné par l'Oulipo et par ses contraintes. Lui-même s'en est fixé de considérables dans certaines de ses œuvres. Et puis parmi ses lectures de prédilection, il y a De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Or, Jacques a trouvé... C'est assez magique que Alice au pays des merveilles, ça donne le lièvre au pays des malices. Ça donne aussi, avait-il trouvé le lièvre au pays des limaces. Mais c'était une... Il fallait bien faire un choix de l'un à l'autre. René Magritte, qui est l'un des peintres de prédilection de Ligeti, c'est mer et granit. Or, mer et granit, ça fait penser là encore à la fois à une extrême fluidité, quelque chose qui est le propre... Et souvent tableau, de la musique de... Un tableau très célèbre où on voit un château de granit suspendu au-dessus de la mer. Exactement. Mer et granit. Ouais. Et notre illustrateur, Jean-François Martin, s'est servi de ça pour trouver quelque chose qui soit effectivement une illustration de Magritte. Il y a aussi, je dirais peut-être, une anagramme qui résume l'art de Jacques Périxalkov, c'est Boléro de Ravel qui donne le rodéo verbal. Il y a, oui, bien sûr, chez lui, cette espèce de frénésie de lettres, de mots, d'expressions. On a l'impression qu'elles sont comme ça jetées dans un shaker, vous secouez le shaker et vous trouvez ensuite un assemblage différent, plus fantaisiste encore, plus ludique, et qui, c'est là où Jacques est très fort, a pratiquement toujours un lien fort, étroit, dont on se dit qu'il devait être probablement préexistant, avec l'énoncé premier. Ni l'un ni l'autre ne sommes irrationalistes. Nous sommes, je crois, mais vous ne croyez pas au hasard. D'une certaine façon, on ne croit pas au hasard, exactement. Par exemple, si je livre l'anagramme de Serge Gainsbourg, qui est grabuge ignoré, au pluriel donc, ça fait du sens, non? Oui. Donc on a listé un petit peu les scandales, quelques-unes de ces phrases. Je cite votre texte, le clash avec Whitney Houston, le billet de 500 balles parti en fumée, les sucettes, aux armes, etc. On aura tout pardonné à Gainsbourg et combien de grabuges ignorés. Voilà. Tout est dit. Est-ce que, je reviens à ma question de départ, est-ce que vous pratiquez l'autocensure? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des anagrammes qui vous semble pas mal, mais qui consterne un peu, donc vous hésitez à la publier? Oui, je dis souvent que c'est pour ça qu'il faut mettre sa volonté de côté. On peut pas, l'anagramme, on peut pas la forcer, quoi. On peut pas lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Et des fois, elle se comporte comme un enfant mal élevé qui vous tire la langue. Je cherchais une anagramme de Piazzolla. Oh, bien sûr, on voudrait dire tellement de choses sur Piazzolla. Qu'est-ce que nous souffle l'anagramme? Allô pizza. voilà une anagramme consternante, mais qui est drôle, quoi. Il a fallu qu'on bataille un tout petit peu, parce que notre éditrice n'était pas sûre qu'il fallait garder Marcel Solal, qui donne tralala mi sol. Donc oui, c'est un petit pied de nez, mais que je pense... plutôt humoristique. Mais parfois, on change complètement de sujet, on va quitter la musique, mais vous me disiez hors antenne l'anagramme de fraude fiscale. Ah oui, affaire de cul. Oui, bah... Il faut rédiger un texte, maintenant. Oui, pas facile, effectivement. Alors là, il y a peut-être un proxénète qui est à la fois dans les affaires de cul et dans la fraude fiscale. Donc on l'a dit tout à l'heure, Jacques Pressacoff, vous êtes à la fois trouveur d'anagrammes, fabricant d'anagrammes, on devrait peut-être dire plutôt. Faiseur, vous êtes également pianiste et compositeur. Faiseur d'anagrammes. Et je vous propose qu'on écoute un morceau que vous avez composé et que vous nous présenterez après. Jacques Pressacoff, quelle est cette œuvre étrange? Alors, il s'agit de Raining Feathers, pluie de plumes. C'est un prélude pour piano donc, que j'ai composé. Et j'ai rencontré récemment une merveilleuse pianiste qui joue magnifiquement bien Bach. Je l'ai écouté dans Bach. Et voilà, je lui ai demandé d'enregistrer ce prélude pour le livre, et vraiment qu'elle en soit remerciée, parce que je trouve son interprétation émouvante et mouvante. Il y a combien d'anagrammes dans votre livre? J'ai pas compté. Je sais pas, je dirais 150 peut-être, ou un petit peu moins. Tant que ça. Non, mais c'est-à-dire que j'évalue le nombre de pages et oui. Vous devriez certaines... vous intéresser à votre livre. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais une fois qu'il est écrit, on l'oublie. D'une certaine façon. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Non, parce qu'il y a 125 pages. Peut-être 150, parce qu'il y a des anagrammes à l'intérieur des textes de Carole. Je me suis bien amusé comme ça à partir d'une très belle phrase de Furtwängler, donc le chef d'orchestre, qui donne une anagramme sublime que je ne livrerai pas à nos lecteurs. Mais pour écrire le texte, j'ai quand même demandé à Jacques s'il pouvait pas, à partir d'une liste de chefs d'orchestre, alors je vais quand même en citer une de ces anagrammes, mais s'il pouvait pas me donner, à partir de cette liste d'énoncés, quelques anagrammes, et il m'en a quand même trouvé 8 de chefs d'orchestre, je crois, qui sont très belles, dont Daniel Barenboim, rien d'abominable. Et aussi, on peut citer Leonard Bernstein, l'art de bien sonner. Voilà. Le chant des sirènes, c'est une des plus belles, je trouve, d'autant qu'elle a plusieurs déclinaisons. Tout à fait. Dans votre livre, le chant des sirènes a pour anagramme enchante les désirs, et aussi les tendres chaînes. Et quand on connaît l'histoire d'Ulysse, ça colle pile poil. Ouais. Les tendres chaînes, c'est vraiment le principe de la contrainte en création. C'est-à-dire que évidemment, ça vous enferme, mais ça vous libère tout à la fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a une dimension. Oui. Que reste-t-il de nos amours, Charles Trenet? Très romanesque. Solitude. Solitude. Et puis une que j'aime bien aussi, parce que Marche turque, ça donne charme truqué. alors, de temps en temps, évidemment, quand j'ai ça, il faut que je me pose quelques questions, me dit bon, pour quelle raison ce tube incroyable que tout le monde connaît a quand même quelque chose probablement de la rengaine, quelque chose de qui fera que ça, son charme peut-être va avoir tendance à s'émousser. Et c'est là où je remercie Jacques de m'avoir obligé parfois à me creuser la cervelle, à me plonger dans certaines histoires de la musique, à me ressouvenir de la vie de certains compositeurs, à réécouter des œuvres pour essayer à partir de l'énoncé et de son anagramme d'établir un lien qui n'était parfois pas forcément évident. J'aimerais bien beaucoup lire le lien que tu as écrit avec Des pas sur la neige, qui est le cinquième prélude de Debussy. Et l'anagramme, c'est usager des plaines. Et voici le lien que fait Carole. Quand on n'a pas le moyen de se payer des voyages, il faut y suppléer par l'imagination, se plaisait à dire Debussy. Il n'avait rien d'un bohème ni d'un touriste. Ses voyages n'étaient que rêveries, plutôt pantouflard. C'est chez lui, seul ou entouré de sa famille et de ses amis, qu'il se sentait bien. Ni rôdeur des montagnes, ni arpenteur des steppes, ni écumeur des mers, c'était un passager des nuages plus qu'un usager des plaines. Magnifique. Il y a des anagrammes qui sont parfois un peu glaçantes. Par exemple, Billie Holiday qui a écrit une chanson qui s'appelle Strange Fruit, qui raconte ces épisodes terribles de l'histoire des États-Unis. On pendait des noirs devant des blancs qui étaient endimanchés. Qui étaient un peu à la fête, oui. Et donc la traduction en français donne fruit étrange. Et l'anagramme de fruit étrange, c'est enfer gratuit. Ça glace. C'est tout à fait glaçant. L'illustration est très belle aussi, simple et efficace. Feuilles mortes, flore mutilée. Ça, je la trouve sublime, effectivement. C'est, d'abord, elle a quelque chose de malarméen pour un musicien qui était si fasciné par le poète Malarmé. Je la trouve très belle. De temps en temps, d'ailleurs, j'étais partagé entre l'idée d'essayer de trouver un texte, mais encore fallait-il que ce soit un superbe texte pour essayer d'établir cette jonction. Alors parfois, il m'est arrivé de trouver comme ça, à la faveur de mes lectures, il y a par exemple un texte de Jean Zay que je trouve très beau, qui illustre à la perfection le talent, le génie de Debussy. Et puis à d'autres moments, il fallait simplement laisser parler l'anagramme. Quand on sait par exemple que mouillant sa robe de bal et l'anagramme de La Belle au bois dormant. Voilà, on peut se dire que La Belle au bois dormant mouillant sa robe de bal. Exactement. Oui. Il n'y a peut-être pas de texte à faire. Non, exactement. On peut s'en passer. Il est juste à l'inviter à danser. Alors, quand on vous écoute l'un et l'autre, Jacques Perisselkov et Carole Beffa, on a l'impression qu'il y a une musique des anagrammes, enfin en tout cas une musicalité. Oui. Vous êtes tous les deux musiciens, compositeurs. Est-ce que vous avez une définition de la musique ou est-ce que il n'y en a pas besoin pour être compositeur? Qu'est-ce qui fait de la musique et de la musique par rapport à une suite de sons? Ça, c'est une bonne question. Alors, on a reçu ici, il y a quelque temps, Francis Wolff qui dit, mais finalement, la musique, c'est une suite de sons qui internalise sa cause. Exactement. Il y a autant de voir que ce sont des instruments qui produisent les notes, on a l'impression que c'est chaque note qui produit la suivante. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, oui, c'est cette causalité cachée, quelque chose de très fort. D'ailleurs, s'agissant encore une fois d'un monde caché, on a pu le dire, hein, l'art de Jacques Perisselkov, donc je crois qu'on dit un anagrammatiste, hein, c'est ça? C'est comme ça que Littré disait qu'il fallait les appeler. Le Littré recommande anagrammatiste. Cet art a quelque chose du Michel-Ange qui, à partir d'un bloc de marbre, va révéler la statue. D'une certaine façon, la statue est là, elle est déjà là dans le bloc de marbre, mais seul un Michel-Ange est en mesure de la révéler. Oui, d'éplucher la pierre. Et comme s'il reste, il n'y avait qu'à éplucher la pierre pour la faire apparaître. Ouais, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui fait que, parmi toutes les anagrammes que vous pouvez trouver à partir d'un même énoncé, enfin, il y en a plusieurs, vous l'avez dit, 6, 10, etc. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que celle-ci, c'est l'anagramme avec un grand A, c'est-à-dire c'est celle qu'il faut retenir par rapport à ses concurrentes? C'est une bonne question. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le sens révélé? Chez moi, oui. Mais en fait, ce petit défaut, c'est que je suis plus attaché à la forme qu'au sens. Et c'est, en fait, je vais vers celle qui sonne le mieux, quoi. J'ai tendance à aller vers celle qui sonne le mieux. Mais en plus, quand le sens est très fort, alors là, vous savez immanquablement que c'est l'anagramme avec un grand A. D'ailleurs, si je m'abuse, Tristan et Iseut, selon comment on écrit Iseut, avec un I ou un Y. Exactement. Non, c'est plutôt Iseut, I-S-E-U-T ou I-S-E-U-L-T. Voilà. Et c'est beaucoup mieux avec I-S-E-U-L-T parce qu'on obtient l'anagramme Triste et la nuit. Qui est encore plus belle que celle qu'on aurait obtenue sans, qui aurait été Et sa triste nuit. Oui. Mais qui est très belle aussi. Mais là, vous voyez, le choix se fait tout de suite. Triste la nuit, il y a une musique imparable. C'est vrai. On a souvent le sentiment, et c'est là que c'est très fort, que l'anagramme issu de l'énoncé n'est qu'une pièce d'un plus grand puzzle qui serait un poème, alors tantôt baudelairien, tantôt malherméen, selon l'inspiration de Jacques, mais on a vraiment le sentiment d'avoir affaire à quelque chose d'éminemment poétique. Donc, on a parlé de cette dimension poétique, vous avez parlé évidemment de la dimension pédagogique, et là j'étais content de pouvoir de temps en temps essayer de faire le prof que je suis par ailleurs, en suggérant des pistes au lecteur, en suggérant d'aller voir et d'aller entendre un peu plus que ce que le livre pouvait nous donner déjà à voir et à entendre. Et puis il y a cette dimension dont on a évidemment parlé depuis le début et qui vous intéresse tout particulièrement, Étienne, la dimension ludique. C'est que, bien sûr, que si elle n'était pas présente, je pense que Jacques ne serait pas heureux d'avoir de telles insomnies. C'est-à-dire que malgré tout, on va tomber sur quelque chose qui sera quand même l'occasion parfois d'avoir de grands éclats derrière une fois que c'est trouvé. Oui, alors vous avez cité Baudelaire à propos de la poésie. Dans Les Fleurs du Mal, on trouve cette phrase « La musique souvent me prend comme une mère ». Et l'anagramme, et là on est vraiment, je trouve, dans de la vraie poésie, ça donne un murmure comme le vaste monde qui pense. Je suis tout à fait d'accord, c'est une des plus belles. Et là encore, je me suis abstenu de lui trouver une illustration par un texte parce que c'est extrêmement beau en soi. Carole Beffa, je vais vous poser une question et je vais vous demander d'y répondre de façon sincère. Vous avez écrit un morceau intitulé « La nuit obscure ». Est-ce que vous saviez, en le composant, que la nuit obscure avait pour anagramme élucubration ? Absolument pas. Et à vrai dire, j'ignorais le sens ancien d'élucubration qui est très beau et que je mentionne à la fin du texte qui l'accompagne. Ah oui, et l'élucubration, c'est un ouvrage exécuté à force de veille et de travail. C'est Jacques et faisant ses anagrammes, ça c'est exactement ça. Donc non, je l'ignorais totalement. Donc vous êtes inconscient de ce que vous faites. Je le suis totalement, et même à l'intérieur, vous trouvez, si je ne m'abuse, une autre anagramme à partir Les ombres qui passent. Voilà, Les ombres qui passent, qui est un titre que j'ai emprunté à la période baroque. Pour un de mes trios et qui donne Blême sans portique. Voilà. Là, il a fallu effectivement la rencontre avec Jacques pour que je m'en rende compte. C'est lui qui vous révèle ce que vous faites, je pense. Et qui vous êtes et comment est structuré votre inconscient. Exactement. C'est à la fois le Socrate accoucheur des esprits et quelque chose comme un Freud qui vous révèle votre inconscient malgré vous. Ouais, tout à fait. Est-ce que, Jacques Perel-Sacquois, vous éprouvez une forme de fatigue des anagrammes? Est-ce qu'il y a un moment où vous aimeriez être libéré de cette tentation irrépressible d'aller voir ce qu'il y a derrière les mots? Ben, écoutez, oui, ça m'arrive d'avoir une certaine lassitude par moment, mais la récompense est tellement forte lorsque vous tombez sur une perle, c'est vraiment un bonheur extraordinaire. On a l'impression c'est comme si on explorait la face cachée de la lune, quoi. Bon, mais c'est vrai que je suis toujours rattrapé par l'anagramme, des propositions. L'actualité aussi qui vous suggère. L'actualité et par puis. Par exemple, les gilets jaunes. C'est quoi l'anagramme? Alors, ils lisent les jauges. De leur réservoir. Oui, voilà. De gasoil. Il est très joli, effectivement, je trouve. Il y a ça, puis aussi le magazine Lire qui me propose une petite rubrique sur l'actualité littéraire bientôt. Et donc, le plaisir quand on se trouve à une signature avec Jacques, vous avez peut-être fait l'expérience aussi, Étienne, c'est que avec un peu de chance, si le temps ne manque pas trop, Jacques est capable de dédier, de dédicacer et de dédier tout à la fois à l'acheteur d'un des livres une anagramme sur son nom. Ouais, quand le nom est. Ouais. Quand il n'y a pas trop de 4W. Ouais, et puis en fait, je peut-être je suis un peu le Thomas Billon du 21e siècle. C'est-à-dire, Louis XIII avait pensionné un anagrammatiste du nom de Thomas Billon. Il était avocat à Aix. Et son boulot, c'était de d'amuser la galerie, si je puis dire, en faisant l'anagramme des gens de cour. Et voilà. Vous savez peut-être que pendant une certaine période, les anagrammes ont été utilisés par les savants pour garder la propriété intellectuelle de leurs découvertes. Il y a des cas célèbres entre Galilée et Kepler à propos de découvertes astronomiques que l'un faisait, mélangeait les lettres de la découverte en question, l'envoyait à l'autre pour que l'autre... Il y a des cas où la mauvaise traduction a quand même révélé une vérité astronomique ultérieurement découverte. Ce qui est une espèce de méta-anagramme avec le principe effectivement de la révélation. Oula, est-ce qu'on peut parler de sérendipité, de trouvaille par accident? Il y a trouvaille par accident, mais en même temps, ces trouvailles révèlent quelque chose qui est différent de ce qui était dans l'intention du message initial, mais qui se révèle vrai. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a aussi le cas célèbre où le boson de Higgs, qui a été en fait prédit par plusieurs physiciens, pas simplement Peter Higgs, mais du coup, les deux autres voulaient qu'on l'appelle autrement. Ils avaient proposé qu'on l'appelle le boson scalaire. Notamment un physicien belge qui s'appelle François Englert. Et on lui a fait remarquer que le boson scalaire avait pour anagramme bière sans alcool, ce qui pour un belge est une absurdité. Et donc ils ont renoncé à ce choix et le boson de Higgs s'appelle le boson de Higgs. À cause de ça, ils ont renoncé. Rentrant en partie. Non. Oui, les trouvailles et les noms des trouvailles tiennent à peu de choses, effectivement. On le voit. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jacques Perry-Salkoff, je sais que vous vous passionnez pour l'actualité, et de temps en temps, vous publiez sur Facebook ou ailleurs une anagramme de circonstances. Oui. Bon, je précise que cette émission est enregistrée le 7 décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe là, qui inspire vos recherches? Avec les manifestations, j'ai pensé partie de l'augmentation de la taxe sur les carburants, j'ai pensé à ce palindrome Stop Misère Impôt. Et c'est un palindrome, c'est donc une phrase qu'on sens. Peut dire de stop, gauche à droite. Misère Impôt. Et de droite à gauche, ou alors. en pensant l'Arc de Triomphe, dont l'anagramme est Place Thermidor. On pense un peu à l'époque de la Terreur sous la Révolution. Ou bien la transition écologique, le social, notion tragique. Oui, voilà, c'est ça. J'ai parfois un peu de mal à me souvenir de mes propres. La liberté d'expression. Et d'inexorable péril. Tout à fait. Oui. Et puis plus ancienne, liée à l'affaire Benalla, il y avait eu Macron et Benalla, si je ne m'abuse. L'aléa encombrant. L'aléa encombrant. Et les doubles, oui. Puisque ça donne aussi. Et le roman bancal. Et le 11 novembre, vous avez publié cet anagramme incroyable. Tombeau de soldats inconnus, dont l'anagramme est tombé du lit au son du canon. Ouais. Oui, c'est... Je suis moi-même tombé de ma chaise. Guillaume Apollinaire, loup, la pluie, la migraine. Bah oui, c'est ça. Le lambeau, le roman de... Ah oui, oui. Celle-là est superbe, effectivement. Bleu à l'âme. Bleu à l'âme, etc. Oui, oh bah là, c'est pas la matière qui manque. Hein. Pour le coup, c'est une mine. Alors là, j'aimerais vous interroger, puisqu'on approche du terme de cette émission. En vous demandant à l'un et à l'autre ce que cette aventure collective que vous avez donc menée pendant quelques mois à deux, échanger des idées sur la musique, sur les anagrammes, a changé en vous. Est-ce que, commençons par vous, Carole, est-ce que ça a changé votre façon de penser à votre composition? Si ça avait été il y a quelques années, j'aurais probablement changé de forfait de téléphone portable, étant donné le nombre d'heures qu'on a passé au téléphone. Mais plus sérieusement, d'abord ça m'a redonné goût au mot. Enfin, on peut pas dire que c'était un goût que j'avais totalement perdu, loin de là. Mais je dois dire que travailler avec quelqu'un qui est si soucieux de l'adéquation entre le fond et la forme, cela peut avoir des incidences sur votre façon de composer des textes ou de composer de la musique. Et vous, Jacques? La rencontre avec Carole. Moi, c'est surtout une belle amitié et puis la découverte d'une musique. Je connaissais très peu ta musique, Carole, et ce qui me frappe, c'est que c'est une musique contemporaine, mais qui n'est pas dénuée d'un certain lyrisme. Et ça, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup le lyrisme. C'est une musique sombre et lyrique. Et j'ai vraiment découvert un grand compositeur. Et c'était vraiment passionnant. Quant à moi, il faudrait que je mentionne quand même quelque chose. Jacques m'a fait le plaisir de me donner à lire un texte qui est un roman. Et on sait que, comme c'est le maître des anagrammes, on se surprend à vouloir, à chaque paragraphe, essayer d'identifier une anagramme, même quand il n'y en a probablement pas, ce qui rend à la fois la lecture plus lente et, on va dire, plus parfumée, plus étonnante. Les deux anagrammes que je voudrais vous livrer, qui sont en résonance, me semble-t-il, avec l'actualité, deux anagrammes trouvées par Jacques. La première, c'est la révolution industrielle, qui est « nourrit la solitude en ville ». Et la seconde, c'est « le rêve américain », qui a pour anagramme « la vie mercenaire ». Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est un plaisir de vous recevoir, Jacques Perisalcov et Carole Beffa. Je recommande la lecture de votre ouvrage « Anagramme à quatre mains », une histoire vagabonde des musiciens et de leurs œuvres, publiée aux éditions Actes Sud. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Cédric Châtelus et à la réalisation Yvon Croisier. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.